Ce comité d'une soixantaine de personnes doit mettre en place un processus de sortie de cet herbicide controversé, ce qui est prévu dans 3 ans en France. La mort du baron Ampin, l'ex-homme d'affaires belge, est décédé hier à 80 ans à l'hôpital de Pontoise en région parisienne. Son enlèvement avait défrayé la chronique en 78 à Paris. Il avait été séquestré et torturé pendant 63 jours et libéré lors d'une remise de rançon ratée qui avait permis l'arrestation d'un ravisseur. La France qualifiée pour les 8e de finale de la Coupe du Monde de foot, Fabienne. Eh oui, les Bleus ont battu le Pérou 1-0 hier, but de Kylian Mbappé. Ils sont donc qualifiés pour la suite de la compétition et conservent la tête du groupe C devant le Danemark et l'Australie. L'Argentine qui jouait hier soir est au bord de l'élimination, écrasée par la Croatie 3-0. À suivre aujourd'hui le Brésil, Costa Rica, la Serbie face à la Suisse et l'Islande qui jouera le Nigeria. Comme hier, c'est reparti pour une belle journée ensoleillée. En revanche, dès ce matin, un petit peu de gris quand même sur le Pays Basque. On devrait aussi avoir quelques passages nuageux sur les frontières du Nord-Est et sur la Côte d'Azur avec quelques averses possibles du côté de Nice en matinée. En revanche, en milieu de journée, le temps devrait être ensoleillé pour tout le monde. Le week-end sera beau aussi, mais pas étouffant. Et le ciel bleu continuera la semaine prochaine avec des températures qui vont progressivement grimper. Il fait ce matin 7 degrés. Degrés seulement à Lille, 10 à Rennes, 13 à Paris, 14 à Lyon, 20 degrés à Toulouse et on a déjà 25 degrés en ce moment à Lille-Rousse en Corse. Bonjour, bonjour Justine. Bonjour Greg, bonjour tout le monde. Bon réveil, bon début de journée en ce vendredi matin. C'est le Double Expresso et dans quelques minutes, les Double Expresso Awards. Vous allez découvrir le top 3 de vos lives préférés de l'émission. On a hâte. Ah ouais, on va découvrir ça après la nouvelle chanson d'Imagine Dragons. Voici Next to Me sur RTL2. Something about the way that you walk into my living room, casually and confident, looking at the mess I am, but still you want me. Stress lines and cigarettes, politics and deficits, late bills and overages, screaming and hollering. to Me, 8h07. Grégory Hacher et Justine Salmon. C'est le Double Expresso RTL 2. Et c'est reparti pour un tour. Nouvelle heure du Double Expresso, dernière de cette semaine. Bonjour à tous. Bonjour Justine. Bonjour Greg. Bonjour tout le monde. Il sera là à 8h55. C'est Jonathan O'Donnell. Bonjour. Bonjour, bonjour. Pour le top 3 de l'actu. Effectivement. Il y a des trucs. Je reste dans le coin, toujours. Ouais, dans les parages. Il y a pas mal ce matin. Il y a de la grosse news. Il y a de la grosse news. Très bien. Bonjour Jérémy. Bonjour l'équipe. Jérémy qui réalise cette émission qui va avoir un rôle crucial dans quelques secondes. Bonjour Max. Bonjour à tous. Sociaux. Puis bonjour Vivi au standard jeu d'RTL2, le 32-28 pour la banque RTL2, 8h45. Bon, vous le savez, on s'est lancé un défi. On a envie de créer les Double Expresso Awards. Hein, juste. Carrément. Alors, c'est une cérémonie, quoi. On a même fait mieux que la cérémonie. On a même un liner. Les Double Expresso Awards sur RTL2. Alors, bon, on vous a demandé de voter sur la page Facebook de l'émission et de nous dire quels sont vos lives préférés parmi nos invités du vendredi qui sont venus chanter. Alors qui est troisième? Qui est troisième? Parce qu'on a fait un top 3, un classement. On s'est mis une pression de fou. Numéro 3 de ce classement et qu'on va écouter, c'est le live de Cat Sun Trees. C'est votre choix. Keep on dancing sur RTL2. Keep on Dancing, c'était leur live du 11 mai dernier lorsqu'ils étaient venus nous rendre visite. Numéro 3 de vos votes dans ces Double Expresso Awards. Évidemment, en plus de tous ces lives, il y aura l'Info Expresso dans quelques minutes, l'horoscope à 8h25. Le winner du jour, ce sera toi, Justine, à 8h35. Oui. La banque RTL2 au 32-28 et puis donc Jonathan. Et tu vas nous parler de quoi dans l'Info Expresso? De l'être humain parfait, de la perfection faite humain. Mais ça n'existe humain. Pas. Ça n'existe pas et c'est surtout très flippant. Ce sera l'Info Expresso et puis pour le son pop rock. Power of love. La BO de retour vers le futur, Huey Lewis and the News, The Power of Love sur RTL de 8h12. RTL de présente Jacob Banks. Yo, I'm Jacob Banks on RTL2, The Pop Rock Radio. Say that you don't want-

Send the News, the Power of Love sur RTL2. L'info expresso RTL2. Et Greg, tu vas nous parler de quelque chose d'un peu flippant. Oui, l'humain parfait. C'est l'info expresso du jour. On s'intéresse à l'actu sur le web, dans la presse et sur MSN.com que j'ai trouvé ça. C'est Alice Roberts, qui est une professeure à l'université de Birmingham, qui assure la présentation de nombreux documentaires scientifiques pour Channel 4 et la BBC. Et on l'a mise au défi de concevoir le corps humain parfait à partir du sien. D'accord ? Et donc, elle s'est dit, qu'est-ce que c'est le Alice 2.0, la Alice 2.0 ? Alors, déjà, ce corps hybride posséderait un meilleur cœur avec plus d'artères, comme ça le cœur ne lâcherait jamais. Des poumons plus efficaces, des yeux sans cils et des grandes oreilles qui perçoivent mieux les sons. Charmant. Alors aussi une peau reptilienne qui lui permettrait de bloquer les rayons ultraviolets comme dans la série V, tu sais, les reptiles. Ah oui. Ah oui. Bon là, elle est parfaite, mais elle est moche. On est d'accord. Bah clairement, j'ai vu la photo que tu m'as montrée, on dirait les personnages d'Avatar un peu. Exactement, parce qu'en plus de tout cela, tu fais bien de le dire, on a rajouté des caractéristiques inspirées de ce qui se fait de mieux chez les animaux, et donc, elle aurait des grandes jambes inspirées de celles des émeus, qui est le deuxième plus grand oiseau du monde derrière l'autruche, donc des grandes gambettes pour vite et marcher longtemps, et également une poche comme les mamans kangourous, les papas kangourous, ah, pour ça c'est bien ça. Là, Justine, tu pourrais mettre ton goûter, un tire-bouchon, des petits trucs un peu sympas. Et c'est surtout que j'ai pas du tout fait le kangourou, moi, dans mon. Bah non, ah non, bah non. Ah non. Ah non, hein. Ah du non. Coup, ouais. Et qu'est-ce que ça fait comme bruit le kangourou? Bah, voilà, on sait pas. Ça saute. C'est une bonne question, et ça. Ouais. Ça fait quoi comme bruit le kangourou? Je sais pas. Moi, je dirais. Ça mâche. Non, ça, je peux te dire que non, j'ai non. pas la réponse, mais il fait pas. Non, il fait pas ça. Voilà, c'était l'info expresso du jour. On vous poste la photo sur la page Facebook du Double Expresso RTL. Mais attention, on revient au Double Expresso Awards. Les Double Expresso Awards sur RTL2. C'est beau, hein, ça, là, il a l'impression d'y être. Alors, numéro 2, Justine. Elle est venue nous présenter son nouvel album le 1er juin, c'était au tout début du mois. Elle avait interprété plusieurs titres en live, dont son nouveau single Prémonition, que vous avez hissé à la deuxième place des Double Expresso Awards. Et c'est qui ? C'est Cœur de Pirate. Cœur de Pirate. Voici Prémonition dans le Double Expresso RTL 2. Et dans quelques minutes, nous connaîtrons le numéro 1 de ces Double Expresso Awards. Je comptais des pas. Dans la danse qui sépare l'espace de tes choix, je n'étais pas seule. Les fleurs, tu les comptes sur le bout de tes doigts, qui défient noirceur et supplice. Mais moi, je suis attirée par le vice, on s'assemble ensemble. Mais peux-tu m'attendre? Et quand le jour se lève, je reviens vers toi. Ce que je reconnais, ce n'est que vide en moi. D'abus, je vis d'erreur. Tes mots comme une loi, comme une prémonition. On ne changera pas. On ne changera pas. Nos cris font tomber les murs d'une vie qu'on se plaît à pousser. Les limites des corps, ceux qui partagent nos ébats, nos pensées, on s'éprend de tout à l'heure. Mais on est attiré par notre malheur, on détruit ensemble. Mais peux-tu m'attendre? Et quand le jour se lève, je reviens vers toi. Ce que je reconnais, ce n'est que vide en moi. D'abus, je vis d'erreur. Tes mots comme une loi, comme une prémonition. On ne changera pas. On ne changera pas. De pirates en live, Prémonition, vous avez choisi de la hisser à la deuxième place des Double Expresso Awards parmi les plus beaux lives de nos invités du vendredi. On passe à l'horoscope du jour. Je suis d'accord avec vous, elle est magnifique cette chanson. C'est vrai. Allez, médaille de bronze pour les Gémeaux, Greg. Vous avez l'impression d'être mis de côté, renouez le dialogue. Vierge. La semaine a été éprouvante, vous la terminez sur les rotules. Hein. Et les Poissons. Vous avez le sentiment de tourner en rond, fixez-vous de nouveaux objectifs pour avancer. Médaille d'argent maintenant pour les Béliers. Vous savez préparer votre avenir, le futur s'annonce radieux. Taureau. Vous avez envie de faire plaisir et c'est vos proches qui vont en profiter.

midi. Le bel après-midi des Bleus au Mondial de foot. La France a remporté hier son match 1-0 face au Pérou et se qualifie pour les huitièmes de finale de la compétition. Le but français est signé Kylian Mbappé qui devient à 19 ans le plus jeune buteur français dans un Mondial. La France peut désormais se pencher plus attentivement sur ses adversaires potentiels du groupe D, Croatie, Argentine, Islande et Nigeria. Et puis hier, l'Argentine justement est passée à deux doigts de l'élimination. Les Argentins finalistes en 2014 ont été humiliés par la Croatie 3-0. Aux États-Unis, la visite surprise de Melania Trump dans un camp pour enfants. La première dame s'est rendue hier dans un refuge pour enfants clandestins à McAllen, au Texas. Une scène surprenante au moment où son mari, Donald Trump, essaie d'éteindre la polémique qu'il a créée en séparant les familles de migrants mexicains. 2300 mineurs ont été arrachés à leurs parents depuis le début du mois de mai. Des soucis judiciaires pour les frères Bogdanov. Les jumeaux Igor et Grishka ont été mis en examen hier pour escroquerie sur personnes vulnérables et tentative d'escroquerie. Ils auraient pris quelque 800 000 euros à un producteur de cinéma mais fragile sur la gestion de ses biens et placé sous curatelle. Les frères contestent fermement les faits qui leur sont reprochés. Et puis c'est définitivement terminé pour Autolib. Et oui, plombé par un lourd déficit d'environ 300 000 euros, la ville de Paris a décidé de mettre un terme au contrat avec le groupe Bolloré. Les petites voitures électriques avaient été lancées en 2011. Et on reste sur la même lancée qu'hier. Côté météo, c'est reparti pour une journée ensoleillée. Ce sera plutôt gris toutefois ce matin sur le Pays Basque. Et on devrait aussi avoir quelques passages nuageux sur les frontières du Nord-Est. Et sur la Côte d'Azur, où là, on pourra avoir quelques averses possibles du côté de Nice en fin de matinée. En milieu de journée, en revanche, le temps devrait être assez ensoleillé pour tout le monde cette fois. Et le week-end sera beau aussi, avec un ciel bleu qui continuera la semaine prochaine et des températures qui vont progressivement grimper. En ce moment, les températures sont plutôt fraîches. 7 degrés à Lille, 10 à Rennes, 13 à Paris, 14 à Lyon, 20 à Toulouse, mais déjà 25 en Corse à Lille-Rousse. Play et viva la vida, bonjour à tous, 8h32, bonjour Justine. Bonjour Greg, bonjour tout le monde. Le winner du jour arrive dans quelques secondes, le numéro 1 des Double Expresso Awards. Et donc Coldplay, viva la vida, bienvenue. I used to the world, seas of rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone, sweep the streets I Sorry. et Viva la Vida dans le double expresso RTL de 8h36, c'est l'heure du winner du jour. Le double expresso RTL 2, le winner du jour. Un winner qu'on a trouvé sur CNews. Alors, c'est l'histoire d'Hillary qui vit aux États-Unis dans la ville d'Eau Claire, dans le Wisconsin. Voilà. Il y a quelques mois, elle a vu une nouvelle voisine emménager à côté de chez elle. Cette voisine s'appelle Dawn. D'accord. Donc, et plus elle la regardait, cette voisine, plus elle trouvait qu'elle ressemblait beaucoup physiquement à sa propre fille. Ah ouais. Là, Hillary, donc, elle a commencé à réfléchir. Et c'est depuis plusieurs années, elle a deux demi-sœurs, mais elle les a jamais rencontrées. Oh et là une là des deux s'appelle Dawn. Mais bon, elle se dit au départ, c'est juste un hasard. Et quelques jours plus tard, des cartons de déménagement ont été livrés devant la maison. Ouais. Et ces cartons, ils avaient le nom de jeune fille de Dawn, Johnson, comme Hillary. Donc, qui venait donc de retrouver sa grande sœur de 50 ans qui venait de s'installer dans la maison d'à côté. Elle l'avait perdue de vue, elle la connaissait pas. C'est et elle fou. Retrouve. Et la voisine, c'est la demi-sœur. Donc maintenant, elles sont rassemblées, oh, elles font plein de journées en famille pour rattraper le temps perdu, et ça, c'est joli. Et puis surtout, elle a le nom d'un acteur. Ouais, c'est Don Johnson quand même. Hein, bah c'est... Ah, tu connais pas De Flic à Miami. Bah si, je connais, mais oui, ok. Voilà, bon, bah très bien. Bah, c'est bien de t'avoir dérangé, on t'embête pas. Je trouve l'histoire plus jolie. Que... Oui, bah, ça ferait un beau téléfilm. Bon, en tout cas, on va écouter notre numéro 1, nous, puis c'est tout. Les Double Expresso Awards sur RTL 2. Les Double Expresso Awards, c'est vous qui avez voté sur la page Facebook de l'émission. Qui est numéro 1? Quel est votre live préféré? C'est l'artiste qui nous a rendu le plus visite depuis deux saisons. Mmh. Il est dans ce studio, on peut le dire, hein, comme chez lui, c'est le parrain de l'émission. La dernière fois qu'on l'a reçu, c'était le 9 mars dernier. C'est Julien Doré. On va réécouter Paris Seychelles, un titre qu'il avait chanté en live en septembre dernier. On était encore dans les studios de la rue Bayard. Voici le numéro 1 des Double Expresso Awards, Julien Doré, Paris Seychelles. Ton sourire dehors à Angoulême, un chat spleen Malchior, Paris Seychelles, découvrir ton corps depuis la scène du sombre décor. Lucrèce Rennes, on s'était dit des choses que l'on ne tiendra pas le temps que l'on se Le soleil s'endort sur ses chelles, le sable et l'aurore, fleur de sel, attends-moi, je sors de l'île au sel, l'orage et de l'or pour se perdre. I need you so. La mort pour te plaire, défendre nos torts, et puis se taire, le désir encore pour l'hiver, un chaos d'effort. Sur Saint-Hilaire, on s'était dit des choses que l'on ne tiendra pas le temps que l'eau se pose sur nos lauriers maillards. On s'était dit des choses. I need you so. Paris Seychelles dans le double expresso RTL de Julien Doré. C'était bien, hein? C'était beau. Ouais, c'est le numéro 1. C'était votre choix. C'est lui qui a fini premier des Double Expresso Awards. On fera la fête pour la dernière la semaine prochaine. On peut déjà vous annoncer les deux artistes qui seront avec nous, Justine. Il y aura Charlie Winston et Gaëtan Roussel. Et puis on aura une surprise à partir de 9h générationnelle. Il sera avec nous aussi. Mais je ne peux pas vous en dire plus. Générationnel. Bah ouais, parce que c'est quelqu'un qui a marqué notre enfance. La suite, c'est du son pop rock. Gaëtan Roussel et Charlie Winston, c'est du lourd, hein, pour une dernière, une grosse fête. Ça vous serez nos invités, on vous en reparle très très vite.

6. On va jouer à la banque RTL2 et les coffres sont pleins pour finir la semaine, hein, Justine. On a beaucoup de beaux cadeaux, dont un séjour au parc Astérix pour 4 personnes, gagné tout à l'heure d'ailleurs. Ça peut tomber sur vous. Ça peut vous arriver. Inscrivez-vous au 3228 ou banque au 74 900. On écoute Cheryl Crow, If It Makes You Happy sur RTL2. You happy sur RTL2. On va essayer de vous rendre heureux. 8h50. C'est l'heure de la banque RTL2. J'espère qu'à la fin, je pourrai dire alors, heureuse Vanessa. Bonjour Vanessa. Bonjour. Salut Vanessa. Salut. Bonjour à tous. Bonjour. J'étais croyant qu'il y a encore des gros ringards qui disent ça. Non, bah toi, hein. Mais non. Mais non, mais là, c'est pour la vanne. Mais tu vois ce que je veux dire. Je peux pas trop. Il y a peut-être des enfants qui écoutent. Mais bien sûr qu'il y en a encore. Ah, je ne connais pas tes soirées, je ne veux pas savoir. Oui. Alors, t'as vu comment elle le dit, bien sûr. Bien sûr qu'il y en a encore, oui, c'est gênant. Excusez-nous Vanessa, pardon, on revient à vous. Vanessa, vous êtes à Cerny, dans le 91. Oui, vous aimez quoi comme style de musique, Vanessa? Ah ben à la maison on écoute beaucoup Offspring et d'autres groupes dans le genre. Ah ouais, le rock. Même quoi. Quand ça bouge. Bah ouais. Et Vanessa, félicitations, vous êtes enceinte. Ah bravo. C'est ça. C'est bien. Un petit bébé c'est pour ça, quand? Fin septembre. Bon, écoutez, vous allez passer l'été au chaud, ça je peux vous le garantir. C'est lui ça. Aussi. Et il y aura une belle arrivée en septembre. On vous souhaite le meilleur pour cette banque RTL2. Attention, merci. Coffre vide. Une minute, top chrono. Coffre 1. Une console Nintendo NES Classic Mini. Pour les enfants, pour les parents. Je passe. Coffre 2. Je passe. Un week-end en Provence avec weekendesk.fr. Ouais, c'est sympa, hein. Sympa pour se reposer avant non, accoucher. Non, bah, je vais passer aussi. Ou après, en l'occurrence, mais coffre 3. Bah, les deux. Un multicuiseur Thomson. Ah, il vaut 700 euros pour cuisiner. Je prends. Ah, vous aimez cuisiner? Ah oui. Et ça fait longtemps que je cherche un appareil de ce genre-là, alors. Bah, génial! Il reste 30 secondes, on est sûr? On s'arrête là? Ah oui, je suis sûr. Allez, bravo! On l'adore, on est un peu jaloux, ah bah ouais. ce multicuiseur. Chaque fois qu'il est gagné, je dis, eh, moi. Ouais. Multicuiseur Thomson d'une valeur de 700 euros, c'est pour vous, c'est gagné, bravo, c'est un super génial. Appareil, vous allez pouvoir cuisiner, pâtisser, tout ce que vous voulez, vous amuser et faire des bons petits plats à toute la famille. Qu'est-ce qu'il y a dans super. Le coffre suivant? Un séjour pour 4 personnes au parc Astérix. Bah pas grave, vous êtes 5. Dommage. Ah oui, mais vous êtes 5 bientôt. Ah oui, mais vous êtes bientôt 5. C'est pas grave. Ah, c'est non, le jeu. Le multicuiseur, c'est très bien. Ouais, mais par contre, dites pas aux enfants que vous avez laissé tomber non, Astérix pour non, prendre non, le multicuiseur. Je crois que je vais me faire. Mais... Elles sont pas encore très grandes, mais. Vous leur ferez de bons gâteaux. Voilà. Après ça. Et c'est puis ça, vous rejouerez voilà. avec nous pour le parc Astérix. On vous embrasse, on vous souhaite une belle voilà. journée, Vanessa. Merci. Et. Vanessa, qu'est-ce qu'on vous sert sur RTL2? Un double expresso. I'm jealous, I'm overzealous. When I'm down, I get real down. When I'm high, I don't come down. I get angry, baby, believe me. I can love you just like that. And I can leave you just as fast. But you don't judge me. Cause if you did, baby, I'd judge you too. No, you don't judge me. Cause if you did, baby, I'd judge you too. Cause I got issues, but you got them too. So give them all to me and I'll give mine to you. Bask in the glory of all our problems. Cause we got the kind of love it takes to suffer. Yeah, I got issues. And one of them is how bad I need to. You do shit on purpose. You get mad and you break things. Feel bad, try to fix things. But you're perfect, poorly wired circuit. And got hands like an ocean. Push you out, pull you back in. Cause you don't judge me. Cause if you did, baby, I'd judge you too. No, you don't judge me. Cause you see it from the same point of view. Cause I got it. But you got them too. So give them all to me and I'll give mine to you. Bask in the glory of all our problems. Cause we got the kind of love it takes to suffer. Yeah, I got issues. And one of them is how bad I need you. I got issues. You. Michael, six choses sur RTL2. L'actualité revue et corrigée par Jonathan O'Donnell dans le double expresso RTL2. Il la revoit, il la corrige. C'est sa passion corriger, c'est Jonathan O'Donnell. On l'appelle le correcteur. C'est moi. Bonjour Grégory Hacher. Bonjour Justine. Bonjour. Bonjour à cette fin d'émission. On est content. Allez, allez. On se concentre. Allez. Cette fin de vie pour moi-même. Alors on y va. Petite pour info, ce top 3. Circulation. Le département de la Creuse, opposé à la limitation à 80 km/h, va faire la grève des panneaux en refusant de les changer. Ah ouais, carrément. C'est la grève des panneaux. C'est comme Justine quand elle prend le volant. Oh, stop. M'en fous. Allez, j'y vais. N'importe quoi. J'ai pas vu. J'ai rien. C'est même pas ce que veut dire le panneau. Oh, oh, mais il est joli celui-là. Oh. Comme le sens interdit. Il a un beau très blanc, dis donc, ce rouge. Mais vraiment là, vous avez vous calmer ou quoi? On passe à autre chose, Justine, t'inquiète pas. On va parler, on va parler aujourd'hui en plus. On va parler de l'Euromillion, Justine. Sois pas chanchon. Tu aimerais gagner l'Euromillion, Justine? Oui, bah oui, oui, j'aimerais. Bah, pour la première fois en 2018, un Français, encore anonyme, hein, a remporté la cagnotte de plus de 36 millions d'euros. Wow. Alors anonyme, anonyme, hein. Animer une matinale, présenter le Bachelor à des émissions de foot, c'est pas exactement anonyme. Mais voilà, bon. Non. On donne pas toutes les infos. Je te jure, à 36 millions d'euros, je te certifie que ça sonne pas à 3h30 du matin. Ouais, t'étais pas là. Bah, bon. Et oh, la passion du métier. Ouais, mais la passion à 36 millions d'euros, elle a des limites. Hein. Oh, tu me déçois. Ah ouais, 35 millions d'euros? Bah, moi, je serai encore là. Ah, bah, moi, je suis sur une île. Je te le dis. Je vous invite sur mon yacht. Hein. Eh bah, je t'invite en Angleterre. Et j'invite des auditeurs comme ça, en bon souvenir. Venez. Bon, bah, c'est comme vous voulez. Hein. Merci, Jonathan. Ouais, c'était bien. Hein. On termine en Angleterre. L'Angleterre risque de manquer de bière pour le mondial. Ah non. Ah si, à cause d'une pénurie de CO2. Ah, j'ai cru que Kevin Olivier y avait été en vacances. Eh bah, même pas, même pas. Mais du coup, ils vont peut-être récupérer le sens du goût et s'apercevoir que leur bouffe est dégueulasse. Bon, bah, les pauvres, les pauvres. Attention, parce que je suis team pudding, moi. Oh, autant pour moi. Oh. Ah si. Oh ah, si. Non. Comme les scones, c'est bon. Excellent. Mais en pâtisserie, ils sont pas mal. En bouffe, ils sont pas bien. Ils mélangent tous les goûts après. C'est un débat, donc. Hein. Non, on va écouter YouTube. Kevin Olivier avec son jackpot. Bref, c'est parfait. À tout de suite sur RTL2. C'est le double expresso. Parce qu'il en reste. Salut, c'est Eric Jean-Jean. Tous les jours, à partir de 16h, je vous retrouve avec le Drive RTL2 pour vous raccompagner chez vous. Avec au menu du son pop-rock, des jeux, des infos sur le son pop-rock, des interviews, des découvertes et encore du son pop-rock. Bref, à tout à l'heure sur RTL2. Tous les jours, 16h-19h, le Drive RTL2. Quelle équipe! Les cerises sont en pleine confiance cette saison. Le clafoutis de cerises a été élu recette du dernier match et l'équipe possède d'autres talents comme la cerise nature qui fait son entrée sur le terrain. Et c'est la saison. Avec les cerises, partageons les plaisirs. Top, maintenant une question santé. Qui soulage les gencives douloureuses gonflées irritées? Arthrodon. Oui, qui contient de l'énoxolone pour lutter contre la douleur des gencives? Arthrodon. Bravo! C'est bien Arthrodon. Dentifrice pour soulager les douleurs dues à certaines maladies des gencives et aux blessures par prothèse. Arthrodon inoxolone, 1% patch gingivale, médicament pas avant 3 ans. Lire la notice avant utilisation, il est recommandé de se brosser les dents après chaque repas. Si les symptômes persistent, consultez votre dentiste, demandez conseil à votre pharmacien. J'adore me promener au parc, admirer les statues, me laisser bercer par la culture. Et foncez à la montagne pour une petite rando de 5 heures. Allez, le dernier refuge est un bouquetin. Jusqu'au 18 juillet chez Chris, pour l'achat d'une paire de solaires d'un montant minimum de 60 euros, Chris vous offre la deuxième. Urbaine ou sportive, vous trouverez forcément les lunettes de soleil qui vont de pair avec vos envies. Chris, vous allez vous aimer. Chris, opticien officiel du Tour de France. Valable dans les magasins Chris et sur Chris.com sur une sélection de montures. Offre non cumulable avec des promotions en cours, conditions en magasin ou sur Chris.com. RTL2. Montez le son de votre radio, montez, montez! Il y a un nouveau prix inratable chez U. C'est au rayon boucherie. Le rôti de veau 2 étoiles à mijoter Origine France est à 7,79€ le kilo seulement. Répétez ça. 7,79€ le kilo de délicieux rôti de veau à mijoter. Oh, manquerait plus que ça que vous le ratiez, ce prix inratable. Oh bah alors là... C'est jusqu'à samedi dans les Hyper U et Super U participants. Liste sur magasinu.com. U. Commerçant autrement. Avec ma carte La Halle, vous êtes privilégié. Pour vous, La Halle réserve ses ventes privilèges. Des remises totalement...